Grand Est, Je t'aime en musique, avec Hélène Ingret. Auditrices et auditeurs donc du Grand Est. Et oui, le Grand Est, je t'aime en musique. Alors, je t'aime en musique, c'est THEME. C'est un thème qui est développé chaque mois différent. Et nous sommes en janvier, donc en janvier, bien sûr, il y aura le petit bonus avec les vœux en fin d'émission. Mais en janvier, je vous propose de décliner selon les saisons, justement, hiver, puisqu'en janvier, c'est encore l'hiver ou c'est déjà l'hiver. Hiver, printemps, automne. Nouveau hiver, voilà. Mais on commencera par l'hiver et on retournera pas à l'hiver, on retournera au bon vœu en fin d'émission. Avec notre invité d'ailleurs, qui vous souhaitera ses bons vœux, notre invité artistique, bien sûr, tout en musique, qui vous souhaitera ses bons vœux, invité hors Grand Est, puisque les illustrations musicales de cette émission Grand Est, Je t'aime en musique, sont faites par des artistes du Grand Est. Et puis, comme cette émission est enregistrée dans les studios de Radio Gemozo, 107 FM, et vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission en podcast sur radiogemozo.eu. Alors, Gemozo, je l'appelle parce que radio, ça ne pose pas de problème. Tout est attaché, bien sûr, pour l'adresse podcast ou Internet. Si vous ne pouvez pas nous écouter sur le grand Mirmont, sur le 107 FM, c'est Radio Gemozo, G-U-E-M-O-Z-O-T. Et puis, auparavant, rendons à César ce qui est à l'illustration musicale de notre générique, qui est faite donc par un groupe du Grand Est en passant par la montagne. Et puis, bien entendu, nous sommes en janvier. Alors, en janvier, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, puisque en plus, c'était dans une émission sur France Inter, dans l'émission historique, entre guillemets, La Marche du siècle, qui, dans la grille 2019-2020, se passe de 14h30 à 15h et le lundi 7 octobre 2019, vous pourrez retrouver davantage d'informations concernant le Saint-Janvier. Et oui, le Saint-Janvier, ce qui était dit dans cette émission, c'est le seul saint laïc, ils ont signalé de seconde zone d'après le Vatican, ne m'en demandez pas plus. Et puis il y a des tas de choses qui concernent ce Saint-Janvier qui est fêté notamment à Naples le 19 septembre pour des fêtes tout à fait particuliers, son sang qui se liquéfie, Saint-Janvier, moi ce que j'ai retenu c'est que c'est le seul saint laïque qui est dans le calendrier, calendrier selon notre culture religieuse, la culture du pays religieuse dans laquelle on baigne, cette culture judéo-chrétienne dans laquelle baignent donc des pays comme la France, entre autres l'Europe en grande partie. Mais nous nous intéresserons donc aux saisons. Et qui dit les saisons dit effectivement l'hiver. On commence par l'hiver. Et qui dit l'hiver dit, dit la neige. Et j'avoue que j'affectionne particulièrement cette, Ah, cette parodie, il a fait beaucoup de parodies. Il a fait quelques parodies. Il a fait beaucoup d'autres chansons, hein, des chansons très poétiques. Et c'est souvent ces parodies qui cartonnent, notamment, par exemple, Que les Vosgiennes sont belles. Hein, c'est une parodie de Que la montagne est belle. Et puis, c'est aussi une parodie. Eh bien, c'est interprété par Dominique Walter qui nous interprète Belle. Belle, pour faire la frayeille, à chaque fois tu les perds. Tout à mitoufleille, j'en ai marre, je me les gèle. Et toute cette neige qui est là chez moi vient de s'entasser. Me fout des cales aux mains par ton manche congelé. Comment veux-tu qu'avec les filles je me pavane? Avec mon bonnet je ferai fuir toutes les bonnes femmes. Belle, gare à celui qui me jettera une boule de neige. Je vais lui retourner sur la tronche une pelletée de neige. Oh Lucifer, pète un petit peu pour faire fendre tout ça. Ça me donnera le temps d'aller secouer Esmeralda. Belle, quand la neige colle, te devient lourde et cruelle. Te me brise les reins, j'ai l'ongle et aux orteils. Et quand je vois mon nez qui n'arrête pas de goûter, avec toi on n'a même plus le temps de se moucher. Dans la montée je ne fais que de me casser la gueule. Comme une conne ma belle reste la plantée toute seule. Belle, faut point que je m'arrête car mon ailier m'appelle et moi. Jusqu'au bout du chemin il faut y aller comme ça. Ce qui me gonfle c'est que toutes mes forces je les mets là. Soit je ferai ta main pour secouer Esmeralda. La la la la la la la la la la la. Belle, j'attends le printemps pour te mettre à la poubelle. Parce que tout l'hiver c'est toi qui m'ensorcelle. Avec ton manche qui est vachement plus long que le mien. Surtout par grand froid il ne me reste plus rien. J'ai pas envie de te laisser, oh damoiselle, car avec toi elle ne resterait point pucelle. Belle, tu vas, tu viens et tu dégages les chemins. Y'a que la frayeille que t'as le droit de faire avec mes mains. Quand viendra le printemps, je serai débarrassé de toi. Je passerai mon temps à secouer mon Esmeralda. Applaudissements largement mérités donc pour Dominique Walter avec cette interprétation, pas facile d'ailleurs à chanter en plus, de Pelle. Vous êtes dans l'émission Grand Est, je t'aime en musique et le thème de cette émission de janvier, donc première diffusion en janvier 2020, eh bien c'est donc là, les saisons, la déclinaison des saisons, et nous sommes en hiver. Alors, qui dit bien sûr, qui dit hiver dit neige, et qui dit neige, eh bien, ça s'impose, ça c'est clair, ça s'impose, à savoir le ski, interprété avec Claude Vanoni. Le ski, il y a longtemps qu'on connaît ça nous autres. On en a fait avant vous du ski. Mais ça a bien changé. Parce que d'abord, au début des skis, on n'en avait pas. C'était des raquettes qu'on mettait pour aller en forêt. Et puis plus tard, quand on a eu des skis, c'était pas pour s'amuser comme ils font maintenant. C'était pour travailler, pour pas enfoncer dans la profonde neige. Et puis, v'là pas que vers 1907, des étrangers viennent faire un concours de saut sur ski. C'était, je m'en rappelle bien, c'était des Norvégiens allemands. Parce qu'ils causaient pas français. Alors, tous ceux qui causaient pas français à l'époque, ça pouvait être que des Allemands. Ben, ça a pas changé tellement, remarque. Alors, les aurait vus, ça c'était des skieurs, les Norvégiens allemands. Bon, le jour-là, et puis ça c'est vrai, il y en a un qui a sauté jusqu'à 16 mètres. Il n'a pas fait exprès, on l'a poussé. Il était monté en haut pour voir. Ben, il a vu. Il a surtout senti. Alors après, quand ils sont repartis, ça m'a donné des idées. Moi, tu sais, je m'en ai fait des skis. Mais je m'en ai fait des plus épais, des plus larges, des plus longs, ben, pour qu'ils portent mieux dans la profonde neige. Mais ils avaient fait un peu trop long la fois-là, parce que pour prendre les virages serrés de la route de la Bresse, il fallait faire 3 manœuvres. Mais ça allait bien quand même. Hein. C'était pas des skis en platière mastique. Puis on n'avait pas de charnière de sécurité. Puis on n'avait pas de chaussures qu'on ne peut pas marcher avec. Bon, les chaussures de maintenant. Il faut 3 chausse-pieds pour rentrer dedans, 2 némontenues pour en sortir. Si t'as pas les outils, te couches avec les chaussures. Et nous, on n'avait pas de charnière de sécurité. La sécurité était toute trouvée. Dans le temps, tu sais comment qu'on faisait? On clouait les sabots, parce qu'on faisait du ski avec des sabots. Oui, monsieur, on clouait les sabots sur les skis. Comme ça, la sécurité, elle était toute trouvée. Tu tombais, les skis continuaient tout seuls. Ils allaient chercher du secours. Tu nous aurais vu prendre de l'élan depuis la visière de la forêt. On n'avait pas besoin de faire l'œuf en ce temps-là. L'œuf, je te demande un peu. Ou des trucs impossibles comme le chasse-neige. Bon, le chasse-neige, quand ils font ça, on croirait qu'ils ont fait caca dans leur culotte. Oh, il y a des fois que c'est vrai, hein. Ou bien des trucs impossibles comme le Christina. Ah, moi, j'y connais rien, hein, mais c'est un moniteur qui me l'a dit. Il m'a dit comme ça, le Christina, c'est un virage qu'on peut faire d'un seul coup sans arrêt. Il y a 4 changées de quart. Moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas changer de quart avant qu'ils soient tous les deux en arrêt. Le chauffeur ne veut pas. C'est plus du ski maintenant. Nous, on montait en haut, puis on descendait en bas. C'est tout. On n'y comprend rien maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ils coupent des arbres, ils défrichent pour faire des nouvelles pistes. Quand c'est coupé et que c'est défriché, ils plantent des piquets pour faire exprès de tourner autour. Du stalom qu'ils appellent ça. Du stalom, moi j'appelle ça des singeries autour d'une forêt de rames de poêle. Et puis nous, quand on remontait, c'était à pied. Oh, ben maintenant, t'as pas, c'est des têtes de ski, des têtes de ferrique, des têtes d'ébène. Ils feront bientôt des trucs comme ça, rien que pour descendre. Ah, il y en a des fois qui redescendent. Ils arrivent en haut du téléski, ils oublient de lâcher la perche et voilà, reparti. C'est ceux qui ont pris aller-retour. Bon, puis alors, sur les petites pistes, il y en a qui arrivent en haut du téléski, ils lâchent la perche, ils reprennent la queue. Il y a du monde, maintenant sur les pistes. Alors, tu sais ce qu'ils ont inventé pour en mettre plus au mètre carré? Ils ont inventé des skis courts. Je vais pas retirer votre spatule, que je fasse mon virage. Oh non. Oh, tu crois que c'est du sport, toi, au tel des skis, quand tu fais 1 heure de queue, 5 minutes de descente? Et puis attends, c'est pas tout. Il y a les demoiselles qui viennent au ski. Alors ça, eh ben dans nos régions, on est placé pour les... Ouais. Les demoiselles qui viennent au ski, ça serait pas un peu plutôt pour l'après-ski? Hein? Quand on voit la grenouille, on voit le saut qu'elle peut faire. Oh, il y en a qui viennent pour faire du ski, ça c'est sûr. Alors, eh ben, fou, elles prennent un moniteur. Elles vont au lit à bonne heure. Puis elles prennent un moniteur le lendemain, alors, eh ben, elles font exprès de tomber. Alors, le moniteur les relève. Ensuite, elles retombent. Alors, il les relève. Elles retombent, il les relève. Mais un moniteur, même de ski, surtout de ski, c'est pas en bois. Et comme dirait monsieur le curé, c'est quand on est sur la mauvaise pente qu'on se sent glisser. Puis il n'y a pas besoin de farter. Eh bien, c'est comme le coulac, il y en avait deux. Il y en avait un, puis une qui jouait bien, quoi, qu'ils étaient dans les petits sapins, hein, qui ils ne me voyaient pas, mais moi que je les voyais. Hein. Et puis elle disait, c'était ski. Et je suis pas plus bête qu'un autre. Hein. Je voyais bien qu'il n'y avait pas que les skis. Enfin, comme disait ma grand-mère, hein, il vaut mieux ça qu'une jambe cassée. Hein. Mais le ski, eh bien, c'est plus ce que c'était, moi je vous le dis. Alors, eh oui, donc Vanoni, Claude Vanoni, bah, il sait de quoi il parle, puisque Claude Vanoni était moniteur de ski dans les Vosges. Alors, nous continuons dans, disons, ce dernier morceau en illustration de la première saison de notre calendrier à nous, hein, hiver, printemps, été, automne. D'autres cultures font commencer plutôt le calendrier par le printemps, hein, puisque c'est la montée de la sève. Donc printemps, été, automne et puis l'hiver qui est plutôt un peu comme les différentes saisons d'une vie humaine. Voilà. Eh bien, nous sommes sur une radio associative et ce sont les radios associatives, hein, qui vous permettent d'écouter des morceaux qui dépassent les 3 minutes 50, on va dire, formatage oblige. Eh bien, oui, on fait une bonne moyenne, on est dans la moyenne, on va dire, quasiment, puisque, eh bien, le sketch de Claude Vanoni fait 6 minutes, et puis là, je vais vous passer un morceau, alors, bref, mais intense, un morceau qui fait 1 minute. Il commence à faire chaud, là, hein. En fait, je me souviens quand j'étais petit, quand je voyais Johnny Hallyday à la télé, je me foutais toujours de sa gueule, parce que dès qu'il chante 30 secondes, il sue comme une vache. Et en fait, heureusement que je sue pas comme une vache, quoi, en fait. Hein? C'est vachement intéressant ce que je viens de dire, vous pourriez au moins participer. Hein. Alors, cette chanson parle d'hiver. Ça se passe l'hiver, on en sort. Vous trouvez pas que l'hiver a été long cette année? Un gros hiver, genre libéralo-nucléaire, tu sais. Un hiver éternel. Genre, la droite, c'est l'hiver éternel. C'est une chanson qui s'appelle « Les bigotes et le clodo ». Et oui, David Vincent, avec Dominique Walter, je faisais un deux en un. David Vincent, nous l'écouterons un peu plus tard dans l'émission. Là, vous en aurez pour un peu plus d'une minute, hein, je vous le promets. Et donc, nous continuons dans cette déclinaison des saisons. Eh bien, nous attaquons à présent le printemps. Et oui, le printemps, je vous ai prévu 2 illustrations. Hein. Donc, c'est un chanteur donc du Grand Est, puisque vous êtes dans l'émission Grand Est. Je t'aime en musique du mois de janvier, où nous déclinons les saisons. Et avec Christophe Frasiac, qui nous signale tout simplement que c'est rien de plus, rien de moins. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Christophe Frasiac. Je voudrais lui dire tu pour qu'elle me donne des ailes. Je lui dis encore vous pour ne pas faire de zèle. Je suis comme un chien fou devant sa tyrannie. Je l'avoue, je la veux bien avant qu'elle me tue. L'autocar de 7h n'est jamais en retard. Posté bien avant l'heure, j'attends seul dérisoire. Les voyageurs pressés ne se disent pas bonjour. Elle arrive enlacée par la lueur du jour. Aujourd'hui c'est ma chance, le printemps revient. Aujourd'hui c'est ma chance, je prendrai bien sa main. Aujourd'hui c'est ma chance, le printemps revient. Aujourd'hui c'est ma chance, rien de plus, rien de moins. Robinson sur mon île, je comprends peu à peu qu'elle n'a jamais lu les règles de mon jeu. Sentant le vent tourner pour un plus ambitieux, elle me laisse planter dans mes bottes de 7 lieues. L'autocar de 7 heures n'a plus la même ligne. Le village se resserre dans son manteau d'hiver. J'aurais dû à l'époque pouvoir lui parler dans la cour de récré, sauver ma bien-aimée. Aujourd'hui c'est ma chance, le printemps revient. Aujourd'hui c'est ma chance, je prendrai bien sa main. Aujourd'hui c'est ma chance, le printemps revient. Aujourd'hui c'est ma chance, rien de plus, rien de moins. 60 ans sont passés par des anniversaires, de notre premier baiser sous le chêne centenaire. À l'abri des regards on se laisse bercer par l'air des chants d'amour, aux souvenirs partagés. Nos enfants nous visitent 3 fois la semaine, histoire de parler de la pluie, du beau temps. Et un jour, je le sais, le clocher de l'église viendra sonner le temps de l'éternel printemps. Aujourd'hui, c'est ma chance, le printemps revient. Le printemps revient. Aujourd'hui, c'est ma chance, je prends encore sa main. Aujourd'hui, c'est ma chance, le printemps revient. Aujourd'hui, c'est ma chance. Aujourd'hui, c'est ma chance. Rien de plus, rien de moins. Alors, Frasiak, eh ben voilà, c'est une erreur, hein, c'est une erreur de ma part, parce que ce n'est pas Frasiak, c'est Christophe Fressac. Ah oui, Frasiak, c'est un autre artiste du Grand Est. Frasiak, ça s'écrit F-R-A-S-I-A-K, et donc il a fait aussi un certain nombre d'albums, et nous avons déjà eu l'occasion, et nous l'écouterons dans cette émission au Grand Est, je t'aime, en musique. Mais là, il s'agissait de Christophe Fressac, qui est également, bien entendu, un artiste du Grand Est. Et Fressac, ça s'écrit F-R-E-Y-2-S-A-C. Alors, nous continuons à décliner effectivement le printemps. Alors, qui dit le printemps dans les Vosges, pas uniquement les Vosges, mais comme nous sommes dans les Vosges, qui dit le printemps dit les jonquilles. Et c'est Frédéric Buch qui nous interprète Chacha. Cha-cha des jonquilles. Thank you. Ah, ça c'est du final. Et donc, justement, nous faisons la transition avec l'été. Alors, qui mieux d'ailleurs que Calcanos qui nous interprète justement collection printemps-été peut faire cette transition entre nos deux saisons que nous déclinons dans cette émission Grand Est, je t'aime en musique. Nous avons fait l'hiver, le printemps et à présent l'été avec Calcanos. Habillé personne, je passe pour un clochard, une négation plutôt qu'une somme. Me sens moins que rien, de la monnaie sur 20 centimes. Des restes de pâté pour chien, celui qui creuse même dans l'abîme. Et toi, petit costard, es-tu tout seul dans ta penderie? Toi qui attires le regard, comme ceux qui brillent attirent les pies. Le petit bonhomme que tu caches est-il seulement à la hauteur? Est-ce qu'en tout point il me surpasse pour prendre ses petits airs supérieurs? Jamais vu un truc tout simple avec une plume que je placerai dans ton cul. Ma collection printemps-été pour te rhabiller pour l'hiver. Qu'enfin t'arrêtes d'imaginer qu'en survêt je suis nu comme un ver. En se levant mon sourire, tu as coupé ma main tendue. Dessus. Le costard m'a mis une veste, je l'avais pas vraiment mérité. Alors la fierté qui me reste, je me la garde pour le froisser. Un petit peu de rancœur, faut à ses idées préconçues. Si l'habit fait le bonheur, c'est qu'il fait froid quand on n'a plus. Mais que ça n'empêche pas le bon moine de rester poli. Des fois le pire des goujats s'habille en Giorgio Armani. Jamais vu un truc tout simple avec une plume que je placerai dans ton cul. Ma collection printemps-été pour te rhabiller pour l'hiver. Qu'enfin t'arrêtes d'imaginer qu'en survêt je suis nu comme un ver. Jamais vu un truc tout simple avec une plume que je placerai dans ton cul. Ma collection printemps-été pour te rhabiller pour l'hiver. Qu'enfin t'arrêtes d'imaginer qu'en survêt je suis nu comme un ver. Calcanos, donc, qui nous permet de pouvoir écouter justement, une autre chanson qui nous fait la transition. Lui, c'était collection printemps-été pour être habillé pour l'hiver. Et là, c'est Charlie Chopin qui nous interprète Emmène-moi. Et dans sa chanson, en fait, l'hiver, c'est l'hiver en été quand on est amoureux. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, ça c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre sur un cœur de pierre à en mourir. À genoux, cœur à terre, prisonnier en galère, mais c'est la vie. Brisé comme du verre, en petits morceaux par terre, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Tombé par terre, il n'y avait plus de Voltaire, mes larmes dans le caniveau, mais qu'est-ce qu'on aurait dit Rousseau. Je suis tombé par terre, sans boussole ni repère, sans pouvoir m'enfuir. Oh, à genoux, cœur à terre, comme un hiver en enfer, mais c'est la vie. Un oiseau sans ses ailes, un avenir sans ciel, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées, et nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Charlie Chopin. Eh bien, Charlie Chopin, comme nous sommes dans l'émission Grand Est, je t'aime en musique du mois de janvier, ben c'est l'occasion, pourquoi pas, de prendre quelques bonnes résolutions et pourquoi pas de se tourner et d'acheter ou au moins de consulter cette excellente revue, donc cette mensuelle, Causons-en, hein, qui est trouvable dans toutes les bonnes librairies déjà des Vosges, puisqu'elle est consacrée avec certains thèmes également, donc des thèmes liés à une commune qui est mise sous la lumière de chaque exemplaire de Causons-en, avec des tas d'autres informations par ailleurs. Et Causons-en, c'est justement eh bien, Charlie Chopin qui en est l'auteur et l'illustrateur également. Donc, beaucoup de cordes à son arc, en plus celui d'être artiste. Alors, nous sommes toujours dans l'été. Qui dit été dit effectivement, tout simplement, soleil. Et c'est la tisane qui nous interprète. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun, sun. Here we go, sun, sun, sun. Honey, we go, sun, sun, sun. Here we go, sun, sun, sun. Here we go, sun. Here we go, sun, sun, sun. Honey, we go, sun, sun, sun. Here we go, sun, sun, sun. Here we go, sun. That's the way you do if you want to see the light. Cause you live in the dark, you're not the one you wanna be. That's the way you do it, always on your computer. All this living dead, you have to go away. Go away. Here we go, sun, sun, sun. Honey, we go, sun, sun, sun. Here we go, sun, sun, sun. Here we go, sun. Here we go, sun, sun, sun. Honey, we go, sun, sun, sun. Here we go, sun, sun, sun. Here we go, sun. That's the way we do it, a brand new day now. Without stress, this ain't so what you wanna know. Look at those sweet people who live in a real life. They all want you to know that you're still alive. Still alive. Still alive. Still alive. Sun, sun, sun. Honey, we go sun, sun, sun. Here we go sun, sun, sun. Here we go sun. Here we go sun, sun, sun. Honey, we go sun, sun, sun. Here we go sun. Sun, sun, sun. Honey, we go. Sun, sun, sun. Here we go. Sun, sun, sun. Here we go. Sun, sun, sun. Honey, we go. Sun, sun, sun. Here we go. Sun, sun, sun. Sun. You're under the light, like a powerful feeling. Just the one you wanna be. So you belong to those people who live in a real life. Well, now you realize that you are still alive. Still alive. Still alive. Still alive. La tisane, voilà, sun, sun, sun. Eh bien, nous quittons bien entendu l'été pour rentrer dans l'automne. Alors dans l'automne, ben, je vous l'ai fait ambiance météo. Et oui, et je vous avais promis David Vincent. Donc en fait, eh bien, c'est David Vincent qui va pouvoir nous retrouver dans cette ambiance météo. Bon, c'est symbolique, hein, c'est juste le titre qui est ambiance météo. Le restant, c'est plutôt météo humaine. Et donc, c'est David Vincent qui nous interprète aujourd'hui. Il pleut. Il fait pas beau dans ma tête. C'est l'accrochage de plomb. J'ai beau me dire que demain est un autre jour, mais au fond tout est pourri, malsain. La voie est sans issue, c'est fini, j'y crois plus. Fais du bien à des vilains, ils tireront dans la main. On se marche sur la gueule pour s'arracher des miettes. La compétition, je te le dis, fais-nous des bêtes. Est un homme pour l'homme, t'es pas d'accord, je te dégomme. Aujourd'hui il pleut, demain il fera beau. Patiente un petit peu, les jours meilleurs sont pour bientôt. C'est pourtant pas bien difficile, je suis pas trop un imbécile. Pas besoin d'être bourdieu pour voir si on continue à supporter un tel foutoir. À force marcher sur la tête, on aura largement de quoi faire crever la planète. habitude volontaire, sans jamais en avoir l'air, mène à l'autodestruction. Les patrons au gouvernement ne représentent que leur fion. Liberté pour l'argent, pas pour les gens. La fin du monde est de droite, putain. Aujourd'hui il pleut, l'avenir, j'aimerais pouvoir en rire. On se réveillera de ce cauchemar, le sang coulera dans les rues. Ça sera déjà trop tard, il nous restera même plus de larmes pour pleurer, les aurons privatisés. Quand même la pauvreté devient une marchandise, quand l'Élysée pourrait nous sauver de la crise, quand le petit bonheur des uns fait le gros malheur des autres, quand on croit plus en rien, les salons changent en apôtres. Les chefs n'existent que par la peur, que les temps sont durs pour les rêveurs. Aujourd'hui il pleut, demain il fera beau. Patiente un petit peu, les jours meilleurs sont pour bientôt. Faut toujours se battre alors. Utopie aujourd'hui, réalité demain. Si on lutte pas sous la pluie, si on détruit pas les moulins, faut pas se voiler la face, personne le fera à notre place. Aujourd'hui il pleut, oui mais demain David Vincent, et oui, nous sommes à l'automne dans cette émission de Grand Est, Je t'aime en musique, où nous déclinons les saisons. Eh bien, avec Fabergo, c'est le retour des beaux jours. Fabergo, et oui, c'est le retour des beaux jours. Passer l'automne, et puis l'hiver, le soleil. J'attends, en serrant les dents, en serrant la ceinture, que les lendemains soient chantants. J'attends, en serinant, sirenant les tropiques, qu'ils se manifestent à temps. J'attends un ultime secours, le retour des beaux jours. J'attends, en serrant dans mes bras toutes les parcelles de joie que les lendemains entrevoient. J'attends, embrassant l'air à bras le corps, autant en embrassant qu'en écorchant les accords qui accourent. Le retour des beaux jours. J'attends l'étincelle, les trains vers le sud, les prémices, les esquisses de printemps souriant, les préludes, les oasis qui s'enlisent, sensuels et sensationnels, les grands boulevards du cœur, ainsi que ses faubourgs. Le retour des beaux jours. J'attends ce corps nu, mes mains qui tremblent, la caresse incroyable des yeux qui se rassemblent. J'attends la connexion existante, le haut débit aux délivrances d'être emprisonné, d'être en présence d'un horizon d'amour. des beaux jours. Des beaux jours. Fabergo, eh bien, qui nous dit qu'effectivement, après l'automne, eh bien, l'hiver, le grand soleil, dans la froidure, ben, le retour des beaux jours, puis le printemps, l'été, et voilà, nous sommes donc au mois de janvier, et nous déclinons janvier 2020, et nous déclinons donc les saisons. Alors, c'est bien entendu, le moment des grandes résolutions. Alors, une résolution, c'est effectivement ne pas remettre à demain ce que l'on pourrait faire le jour même. Justement, les 700 dolls, elles nous proposent l'inverse. Ah ben oui, je procrastine. Oh là là, c'est dur à dire. Hein. C'est quand on fait l'inverse, on remet à demain, voire après-demain, voire à jamais, ce qu'on aurait peut-être pu faire le jour même, mais pourquoi pas apprécier aussi les nuages qui passent dans le ciel, le souffle du vent, bref, ne pas se hurler et ne pas être dans l'immédiateté toujours. Donc, les 700 dolls qui nous propose justement de nous arrêter sur le temps qui reste. Je regarde le temps qui reste quand le wagon me laisse jusqu'à la prochaine course. Pour préparer demain, je tricote mon chagrin et serre bien le point mousse. J'en fais des pulls au vert pour affronter l'hiver en attendant que pousse le bourgeon du futur, le projet de bon augure, mais qui donne la frousse. Mais diantre, que dis-je à moi quand je me fige, je me donnerai des roustes. Car pour que ce germe grandisse, il faut que je ratisse et donc que je me booste. Je peux me concocter des étoffes de laine pour réchauffer mes peines. Je peux même les porter comme armure défensive contre toute offensive. Maintenant je le sais, train sur le départ, se passe de mon bon vouloir. Ils en ont rien à cirer de mes jours de déprime et ceux où je procrastine. Qui va en profiter? Ce sont d'autres voyageurs valeureux et à l'heure. Qui de ces cols roulés, vous l'aurez bien deviné, disent que c'est un leurre. Et non, nous vous proposons eh bien, un peu comme Charlie Chopin dans cette année nouvelle, eh bien, d'avoir envie. Oui, mais c'est Charlie Chopin, un artiste du Grand Est, que nous vous reproposons à nouveau d'écouter. J'aimerais pouvoir voir un homme enfin tendre la main à un frère, à un passant, à quelqu'un qui a faim, le voir veiller sur son prochain, le voir aimer tous les humains, le voir pardonner le premier pour espérer un lendemain. J'aimerais voir un soldat demain poser son fusil et refuser de se battre au péril de sa vie. Que ce soldat devienne roi, un modèle pour s'unir, car il porte en lui l'espoir que demain tout serait possible. Oh mi corazón, llora el mundo. Mi corazón, lloran los pueblos. Mi corazón, llora el mundo. Mi corazón, lloran los pueblos. J'aimerais revoir les peuples libres et regarder fuir tous les salauds qui ont transformé nos vies en terribles fardeaux. J'aimerais revoir nos collines, nos océans et nos cours d'eau, pouvoir m'y baigner tranquille sans avoir peur d'y laisser ma peau. J'aimerais revoir des sourires sur les visages des enfants et dans leurs yeux voir un avenir qu'ils dessineront une fois plus grand. J'aimerais entendre la justice défendre le pauvre ou le mendiant et voir tomber ce dieu du fric qui a pourri le cœur des gens. Nicolas Sang, y aura el mundo. Nicolas Sang, y aura los pueblos. Nicolas Sang, y aura el mundo. Nicolas Sang, y aura los pueblos. J'aimerais entendre dire sur cette terre que les humains sont tous des frères et que la couleur de nos chairs ne réveille plus les vieilles guerres. J'aimerais voir partir pour la lune tous les tyrans, tous les consuls, tous les gourous, tous les fachos qui vivent de la misère des autres. J'aimerais qu'on arrête d'appeler Dieu au secours de nos erreurs, que le bonheur appartient à ceux qui ne cultivent pas le malheur. Ce pour qui être heureux, c'est d'être vivant sur cette terre et de ne pas mourir malheureux en essayant de faire mieux qu'hier. Oh mi corazón, llora el mundo. Mi corazón, llora los pueblos. Mi corazón, llora el mundo. Mi corazón, llora los pueblos. Charlie Chopin, eh bien, nous allons terminer cette émission consacrée aux différentes saisons que nous vous proposons donc en janvier 2020. Hein, c'est toujours à cette date que vous pourrez retrouver aussi Grand Est, Je t'aime en musique, t'aime, T-H-E-M-E. Et sur le site notamment de radioguemozo.eu, eh bien, nous vous proposons effectivement de vous souhaiter une bonne année avec notre invité hors Grand Est. Alors, je me joins à lui. Enfin, disons que moi, je vous fais des vœux de bonne année, mais avec des rubans roses, des rubans bleus, des rubans multicolores, avec plein d'étoiles dans les yeux. Voilà. Puisque, effectivement, notre invité hors Grand Est, c'est Frédéric Fromet. Alors, Fromet, ça s'écrit F-R-O-M-E-T. Il sévit où il officie, puisque c'est une des pépites de l'émission Par Jupiter, hein, dans la grille donc 2019-2020 sur France Inter, que vous pouvez écouter tous les jours de la semaine de 17h à 18h. Mais Frédéric Fromet, il intervient vendredi, on va dire 17h55. Et oui, ces morceaux, c'est des interprétations sur des airs connus, de faits de société, de faits d'actualité. Et lui, à sa façon, il nous souhaite donc bonne année, Frédéric Fromet. Bonne année aussi à vous, mais je vous dis avec beaucoup de fleurs dans les yeux en même temps. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Les ans c'est pareil, fin décembre, début janvier. Du plus jeune à la vieille, du chômeur au banquier. On s'adore, on s'embrasse, les bons sentiments défilent. Fini le temps des crasses, parfois même on s'enlace. Bonne année, bonne santé, ouais c'est ça, tu peux crever. Et la fève de ta galette, tu sais où tu peux te la mettre. C'est comme Pâques ou Noël, Saint-Valentin, ben voyons. On attend quoi bordel pour fêter la Saint-Couillon. Tiens c'est la fête des pères, est-ce que tu veux voir la mienne? Tiens c'est la fête des mères, j'aimerais pas avoir la tienne. Bonne année, bonne santé, ouais c'est ça, tu peux crever. Et la fève de ta galette, y'en a qui sont vraiment grosses. Les anniversaires, les mariages, les communions, les fleurs dans les cimetières, fallait y penser avant. Halloween, tu m'entends, on sait plus quoi inventer. À la fête des glands, y'a trop de monde à inviter. Bonne année, bonne santé, ouais c'est ça, tu peux crever. Et la fête de ta galette, tu sais où tu peux te la mettre. Bonne année.